Bonjour chers fidèles auditeurs de la radio Isanganiro et bienvenue à l'écoute de ce journal, la grande édition de ce samedi 3 août 2019, dont voici les grandes articulations. Certains responsables de l'administration municipale demandent une décentralisation effective des trois communes de la mairie de Bujumbura. Ils ont exprimé ce souhait ce vendredi lors d'une séance de vulgarisation du code électoral. On fera le point dans ce journal. Et la Commission nationale des terres et autres biens (CNTB) a prévu des sanctions à l'encontre des personnes qui présentent des faux documents. Vous aurez les détails dans cette édition. Et le groupe de dialogue permanent en commune Nerumonge compte restructurer le comité mixte de sécurité afin d'apaiser la situation politique qui prévaut dans la zone Minago de cette commune. Voilà pour le titre. François Akimana est à la cabine technique. Moïse Misago est à la présentation. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons cette édition par la page politique. 11 membres du Parti Congrès National pour la Liberté des communes Bururi et Matana de la province Bururi ont été arrêtés entre le 31 juillet et le 2 août courant. Selon Emmanuel Ndayishimiye, un député de la circonscription de Bururi, il devrait être libéré sans condition. Au niveau du parquet de Bururi, l'on informe que des dossiers déjà à sa disposition sont sous analyse et les autres dossiers sont encore dans les mains des officiers de la police judiciaire. Page bonne gouvernance à présent. Certains responsables de différents services à mairie de Bujumbura souhaitent que les communes urbaines soient autonomes. Dans une séance ce vendredi de vulgarisation des nouvelles dispositions du code électoral de 2020, le conseil principal du maire de la ville de Bujumbura trouve que la question réside aux textes qui sont lacunaires, des lois qui sont en train d'être révisées, affirme le ministère de l'Intérieur. Le point avec Elini Bel Nibigira. Dans cette réunion de vulgarisation de nouvelles dispositions contenues dans le code électoral des élections de 2020 organisée par le ministère de l'Intérieur, certains participants souhaitent l'autonomie de gestion des communes urbaines à mairie de Bujumbura. À la question qui concerne l'autonomie de la gestion de la mairie, est-ce que ça restera ainsi à l'intérieur du pays ou à la mairie même? Est-ce que cette autonomie de gestion subira des réformes? Car nous recevons pas mal de questions de la part de la population qui mérite des réponses, mais en vain. Et dans ce cas, ils n'ont plus confiance en nous. Sur cette question, Ramadan Hurikiye, conseiller principal du maire de la ville de Bujumbura, demande qu'il y ait un arsenal juridique approprié mis en place par le législateur et précise que la mairie de Bujumbura ne trouve aucun intérêt pour une raison que les communes urbaines ne sont pas autonomes. Je m'adresse à ces gens qui votent les lois ou fixent les projets de loi, que celles-ci soient appropriées à la municipalité comme dans d'autres pays. Les villes ont leur propre organisation en ce qui est de la gouvernance. Concernant alors l'autonomie des communes de la mairie, ça revient à l'État ou aux concernés. Nous tous, nous voulons le développement de nos communes. Du côté du ministère de l'Intérieur, le directeur du département des affaires administratives et politiques au sein de son ministère, Jean Bosco Maneno, dit que des lois relatives sont en cours d'élaboration pour clarifier la gestion de la mairie de Bujumbura. Les administrateurs n'ont pas posé cette question, mais elle est sensible. Il y a une série de lois en cours d'élaboration qui vont bientôt clarifier l'organisation administrative de la ville de Bujumbura. On ne peut pas pour le moment donner plus de détails, mais ces réglementations vont clarifier tout sur l'autonomie de gestion. La mairie de Bujumbura comprend trois communes urbaines. Il s'agit de Mukaza, Moha et Nahangwa. Merci Elini Bel Nibigira. Justice transitionnelle à présent, la Commission nationale des terres et autres biens CNTB peut venir en aide aux sinistrés ayant perdu des titres de propriété foncière lors des crises qu'a connues le Burundi. Dieudonné Mbonima, porte-parole de cette commission, souligne toutefois que des sanctions sont prévues pour une personne qui présente des faux documents. Il l'a dit ce vendredi lors de la présentation de leur réalisation depuis que la nouvelle loi régissant la CNTB a été promulguée en mars 2019. Le point avec Ornella Mucho. Des mesures ont été prises pour ces louis qui dérivent. Lors de la présentation des réalisations en fait, le porte-parole de la CNTB fait savoir que c'est possible de connaître la vérité grâce aux enquêtes lorsque les sinistrés déclarent avoir perdu leur titre foncier. Dès la saisine de la commission, les certificats ou titres fonciers des terres et autres biens faisant l'objet de litiges ou autres garanties font objet de saisie conservatoire par la commission. La commission dresse un rapport de saisie qui est communiqué au président de la Cour spéciale des terres et autres biens dans un délai de 15 jours. Celui-ci en prend acte sous forme d'une ordonnance motivée dont une copie est réservée à la Cour et autres à la commission. Pour le certificat ou titre foncier déjà hypothéqué, la commission saisit les banques ou autres institutions financières pour opposition. Il souligne toutefois qu'une fausse information à la CNTB en cours de peine comme un emprisonnement. Des mesures ont été prises pour celui qui délivre une information fausse. Dans la loi régissant la Commission nationale des terres et autres biens, stipule que les responsables des services publics ou privés sont appelés à livrer des documents ou des informations jugées utiles par la Commission, sont tenus de les communiquer. Ni le secret professionnel, ni le secret bancaire ne sont opposables à la Commission. Le refus de livrer à la Commission des documents ou informations demandées constitue une infraction d'entrave au bon fonctionnement du travail de la commission, punissable d'un an à 3 ans de servitude pénale et d'une amende de 50 000 à 100 000 francs. La CNTB révèle qu'un plus grand nombre de sinistrés s'observe en province Makamba et Lumonge. Sur plus de 20 000 sinistrés, 13 000 proviennent de ces provinces. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Page transport à présent, l'association burundaise des consommateurs à Bouko demande aux autorités municipales la création des parkings de bus de transport en commun. Cette association formule cette demande après que certains investisseurs aient mis sur le marché des longues bus de transport à Bujumbura. Noël Ngurunziza, porte-parole de cette association, demande aussi des exonérations pour des opérateurs qui veulent investir dans ce secteur de transport. Je vous propose de le suivre. L'association burundaise des consommateurs, Transparency International Burundi, est confortée par l'arrivée de ces bus qui viennent finalement tenter de résoudre le problème de transport à milieu urbain qui était devenu un grand problème. Je pense que tout le monde constatait qu'il y avait vraiment des difficultés de pouvoir se déplacer, tant au niveau de la quantité de bus disponibles, mais aussi de la qualité de ces bus. Donc, nous saluons cette mesure. Mais tout en saluant cette mesure, nous encourageons bien sûr les opérateurs économiques de continuer à encore amener des bus pour servir tous les quartiers de la mairie, mais aussi servir tous les coins du pays parce que les consommateurs ont besoin de se déplacer. Et je pense que l'économie sera aussi en train de se développer au niveau du pays. Mais nous pensons que cette initiative doit être soutenue par les pouvoirs publics. Et nous invitons ici la mairie de Bujumbura et les institutions étatiques concernées de pouvoir aménager les arrêts bus, en fait de permettre tant à ces bus, tant aux consommateurs de gagner du temps. Je pense qu'en gagnant du temps, c'est que tout le monde doit y trouver sa part. Et nous pensons aussi qu'il faut améliorer la qualité des parkings. Il faut qu'il y ait des parkings appropriés qui puissent permettre effectivement à ce que ces bus soient réellement rentables. Nous ne passons pas sous silence l'état des routes. Je pense qu'il y a moyen de sauver les routes tant qu'il est temps, parce qu'il y a de petits trous qui apparaissent et il n'y a pas de réparation jusqu'à ce que ça devienne un marché public qui prend beaucoup d'argent. Alors que si jamais on devrait chaque fois suivre l'état des routes, essayer de réparer ces petits trous, il y a lieu de pouvoir permettre à ces bus de fonctionner sans beaucoup de pièces de rechange, de remplacement de pièces de rechange, et ça permettra à ces opérateurs économiques de gagner dans l'exploitation de ces bus. Sinon, si rien n'est fait, c'est-à-dire que d'ici quelques années, on va se retrouver dans la même situation. Nous pensons qu'il faut absolument tout mettre en ordre pour permettre à ce que les gens qui investissent dans ce secteur puissent gagner. Aussi, nous interpellons le gouvernement pour qu'il puisse y mettre encore de plus de mesures incitatives. C'était Noël Ngurunziza, porte-parole de l'Association burundaise des consommateurs à Bouko. Et la restructuration du comité mixte de sécurité sur la colline Minago par l'insertion des nouveaux membres du Congrès national pour la liberté notamment et la redynamisation du groupe de dialogue permanent en zone Minago sont certaines des stratégies susceptibles de ramener une politique apaisée dans cette localité. Cela a été dit ce vendredi lors d'une descente à Minago du groupe de dialogue permanent en commune Rumonge, présidé par l'administrateur communal de cette commune. Les détails avec Jean-Pierre Misago. Dans cette réunion avec les administratifs à la base et les responsables politiques sur les différentes collines de la zone Minago, ceux qui se sont exprimés ont fourni leur point de vue sur la récente démolition de la permanence zonale du CNL à Minago. Pour Samuel Maniragiza, membre du groupe de dialogue permanent en commune Rumonge, la paix et la sécurité incombent d'abord aux habitants de Minago. Et selon Gilbert Ndayambagé, membre de ce même groupe, cela doit passer par le respect mutuel. De son côté, Célestin Nitanga, administrateur communal de Rumonge et président de ce groupe de dialogue permanent dans cette commune, dit qu'il est urgent de restructurer le comité mixte de sécurité sur cette colline en y incluant ceux qui n'en faisaient pas partie, mais ses membres doivent être minutieusement choisis. Par ailleurs, le groupe de dialogue permanent dans cette zone, qui pratiquement ne fonctionne plus, est à redynamiser, selon l'administrateur communal de Rumonge, qui indique du coup que de telles réunions vont être organisées sur les collines Kizuka et Gatete, car selon lui, l'administration communale ne peut pas accepter que du désordre s'installe sur uniquement trois collines des 32 que compte cette commune. Jean-Pierre Misago depuis Minago, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Quittons Rumonge vers Muyinga, au nord-est du pays, où les planches sont exportées clandestinement vers la Tanzanie. Des résidents des localités proches de la frontière signalent que ce commerce illicite est fait pendant la nuit. Les administratifs reconnaissant l'existence de cette fraude demandent à la population d'en dénoncer les auteurs. Les détails avec Dieudonné Nzeimana. L'exportation frauduleuse des planches est signalée côté commune Muyinga où Philippe Ngeramihigo, administrateur de la commune, reconnaît avoir été informé de ce commerce illicite fait pendant la nuit. Des planches exportées entre 2h et 3h signalent des habitants des collines Kinazi, Lusagara, frontalière à la Tanzanie. Côté commune Butihinda, Innocent Alinganji, administrateur communal, révèle que des planches proviendraient même de la commune Gambarangwe, province Kirundo, pour transiter par Kobero. Les administratifs sollicitent l'implication des résidents pour dénoncer les fraudeurs, s'activant à couper des arbres pour avoir des planches à vendre en Tanzanie où des mesures contraignantes sont en vigueur pour empêcher la coupe illicite d'arbres. Dénoncer les fraudeurs demande le gouverneur de la province Muyinga aux administrés. Ali Neman Irabarusha assimile ceux qui font ce commerce aux ennemis de la nation et invite les forces de l'ordre à plus de vigilance pour les traquer. L'exportation frauduleuse concerne aussi le haricot. En dépit de l'interdiction formelle de vendre le haricot en dehors de la province, mesure prise par le gouverneur de la province Muyinga. Dieudonné Nzeimana, Muyinga Radio, Isanganiro. Merci Dieudonné Nzeimana. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je dis merci à François Akimana pour sa collaboration technique. Mais avant de vous quitter, comme à l'accoutumée, vous avez droit à la revue de la presse. Et c'est dans quelques instants. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon votre zone d'écoute. Le Burundi n'a pas de politique nationale d'industrialisation. C'est pourquoi ce point était à l'ordre du jour du Conseil des ministres de mardi 30 juillet, écrit l'agence burundaise de presse, qui note que ce secteur participe actuellement à environ 17% à la croissance du PIB, ce qui le ramènerait à plus de 20% avec sa participation à la création de la richesse en exploitant les ressources naturelles disponibles, une contribution qui, selon les explications du ministre rapportées par la BP, est insuffisante en partie à cause du manque de politiques claires pour orienter le processus d'industrialisation du pays au moment où cette politique a été élaborée pour répondre à ce défi. Et Burundi Echo fait remarquer que les industriels de l'agroalimentaire doutent des compétences du Bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité BBN et reprochent à cet organe de traîner les pieds dans l'octroi des certificats. Celui-ci semble prendre les choses en main. Ce journal rapporte que le BBIN, en partenariat avec Trademark East Africa, a ainsi organisé un atelier de validation de la norme burundaise de certification du jus de banane et de gingembre avec les acteurs dans le domaine du 30 au 31 juillet 2019. Le but de cet atelier, écrit toujours Burundi Echo, était de valider cette norme. Ce projet de norme burundaise spécifie les exigences et les méthodes d'échantillonnage et d'analyse. Burundi Echo relève que les problématiques de production et de transformation restent en combat de taille. La raison majeure de la certification des produits alimentaires, que ce soit pour le gingembre ou la banane. Ce journal écrit que la norme recommande de suivre la démarche des 5M qui sont liées à l'origine des dangers que présentent ces produits, à savoir matière première, main-d'œuvre, méthode, milieu et matériel. Et de conclure qu'au Burundi, comme ailleurs dans les autres pays, les consommateurs, qu'ils soient de n'importe quelle catégorie, sont de plus en plus soucieux de la qualité et de l'origine des produits et inscrivent tous la santé et la sécurité au premier rang de leurs préoccupations. Le lundi 29 juillet 2019 à Kinshasa, le Burundi, la RDC et le Rwanda ont signé des accords du projet de construction de la centrale Ruzizi 3, rapporte le journal Iwachu, qui précise que c'est le ministre de l'énergie, des mines et de l'hydraulique du Burundi, comme Manela Kiza, qui a représenté le pays à la signature de ces accords. Avec un coût estimé à environ 400 millions d'euros, 50% du financement total du projet sera apporté par les bailleurs de fonds européens, précise encore ce confrère. Revue de la presse. Le reportage sur terrain, un véritable calvaire, s'exclame l'hebdomadaire Iwachu, qui montre que la recherche de l'information sur terrain est chaque jour de plus en plus compliquée, surtout quand les responsables administratifs à la base refusent de parler aux journalistes, leur profèrent des menaces, des interrogatoires, des brimades. Deux reporters d'Iwachu racontent leurs dernières mésaventures à Nyarusange et Gasogwe. Pour cela, ce journal met en baisse Ferdinand Hurikiye, administrateur de Nyarusange, pour avoir refusé d'accorder une interview aux reporters d'Iwachu alors qu'il leur avait donné un rendez-vous. Ils avaient même déjà ouvert le micro. 130 km pour rien, regrette l'éditorialiste d'Iwachu, qui conclut qu'informer n'est pas un délit et que c'est du devoir des autorités de permettre aux journalistes d'exercer librement leur travail, martèle notre confrère. 12 espèces de mammifères ont déjà disparu à l'échelle nationale. Dans un entretien accordé au journal Le Renouveau, l'inspecteur général au ministère en charge de l'environnement a cité en l'occurrence les lions, les éléphants, les rhinocéros, les girafes, etc. Selon Samuel Ndaïlagidje, puisque même certaines espèces végétales sont menacées ou n'existent plus tout court, la disparition de la biodiversité va automatiquement entraîner la disparition de l'être humain, d'où il faut protéger la biodiversité gravement menacée si nous voulons mieux vivre, écrit ce quotidien gouvernemental. Pourquoi nos commerçants n'affichent pas les prix de leurs produits, s'interroge un blogueur Yaga, qui fait remarquer que le code de commerce est clair à ce sujet et exige l'affichage des prix. Mais en faisant un tour à la troisième édition de la foire exposition vente Made in Burundi qui avait débuté ce 19 juillet 2019 au Cercle Hellénique en ville de Bujumbura, son confrère s'est rendu compte que sur les 100 entrepreneurs à avoir répondu présents à cette exhibition, tous ou presque sont allés à l'encontre de cette loi. Je comprends que le ministre pourrait ne pas avoir les inspecteurs qui couvrent tout le territoire pour s'assurer du respect de la loi susmentionnée. Mais à la foire, ils auraient au minimum appelé à l'ordre les commerçants exposants. Mais certains ont été plutôt primés. Ainsi se referme ce journal des journaux présenté par Eline Bel-Nibigira et Jean-Bosco Ndouimana. À la prochaine. Revue de la presse.